sommes le mercredi 24 juin. C'est pour vous prouver que nous sommes bien en direct. Et il est 20h passé de 1 minute. C'est la dernière saga des Fab Four. Oui, la dernière saga de la saison 2014-2015. Et pour cette dernière saga de la saison, je vous ai proposé, depuis la semaine dernière, de proposer vos titres. C'est vous qui avez composé. Les trois quarts ont été faits par les amis de Facebook sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Quelques-uns ont été choisis aussi par le groupe sur macaclub.com. Et bref, ce sont vos titres qui vont passer, les 31 même titres de cette saga. Je voulais juste avant dire un petit mot en anglais parce que je pense qu'il ne comprend pas le français. I want to say hello to Yuji Takahashi. Parce que c'est un japonais qui écoute la saga des Fab Four et qui m'a mis un petit mot sur le groupe des podcasts en disant qu'il adore la saga et qu'il me remercie, etc. C'est très très touchant. J'ai un auditeur japonais, j'en suis tout retourné. C'est merci beaucoup. Thank you, Takahashi. C'est tout ce que je sais dire, hein. Je sais même pas dire le reste, enfin bref, voilà. Donc merci à vous tous aussi, ceux qui écoutaient sur Bordeaux, sur 90.7, ceux qui écoutaient grâce au net, ce merveilleux net, sur www.rgfm.fr, et puis tout le reste aussi, vous les auditeurs habituels, vous les auditeurs qui découvrez cette émission, nous en sommes à la 263e ici sur RG, mais cette émission existe depuis 31 ans, c'est fabuleux, je l'ai créé en 1980. Et je n'en suis toujours pas lassé. Pas d'album de la semaine, on va écouter du Harrison, du Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles pendant 2 heures. Voilà, je vous propose d'ailleurs même de démarrer maintenant, tout de suite, avec un premier titre. Ce premier titre, il va faire plaisir à Jean-Philippe Fab Four qui est un habitué et qui a été absent pendant un petit temps pour des raisons personnelles. C'est George Harrison qui nous chante Dara Dune, ça date de 1969, c'est une démo. Direction takes you years, another takes you days. On the road, looking at the sights. Many others with the troubles, looking for the rights. Along the road in search of life divine. Beggars in a gold mine. Takes years, another takes you days. Da da da da da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da C'est ça la saga des Fab Four, c'est des chansons connues, mais aussi des chansons inconnues pour la plupart d'entre vous, et peut-être pas de moi, parce que moi j'en connais quand même pas mal, mais voilà. Donc ça me fait plaisir de pouvoir passer des chansons que vous ne connaissez pas forcément, et ça me fait encore plus plaisir de temps à autre de vous donner la parole, de façon à ce que vous puissiez écouter ce que vous aimez, comme par exemple la personne qui m'a demandé une chanson que je ne crois avoir jamais passé dans la saga des Fab Four. Il s'agit de Ringo Starr sur Liverpool 8 et le titre du morceau c'est Give It a Try. Écoutez et c'est très bien. Everybody has a dream that they hold on to, but what can they do to make it come true? Everybody has a whole lot of life to live, but you gotta sit back. Oh, you gotta relax. You've got to love every breath you breathe. Look at the sky. If you're tired of looking over your shoulder, it's time to take a look at yourself. Don't be left on the shelf. In the end you will surrender and then you'll be fine. Everyone else, you'll be finding yourself. You've got to love every breath you breathe. Look at the sky and believe. Smile a little more as life goes by. Give it a try. Give it a try. Everybody makes mistakes sometimes. It's alright. It's alright. But you can have a better life, my friend, here in the light. One day at a time, and your life will shine. You've got to love every breath. It made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid.

Dans cette saga des Fab Four préparée par vous, il y a eu George Harrison, Dara Dune, Ringo Starr, Give It A Try, John Lennon, Isolation et à l'instant, Paul McCartney, Hope of Deliverance. Il nous faut mixer les quatre ensemble pour obtenir les Beatles. Et dès qu'on parle Beatles, on parle de Lovely Rita et son Beatles Magazine. Le Beatles Magazine, c'est à Londres et vous le retrouvez sur beatlesmagazine.uk.com et vous pouvez savoir grâce à ce magazine que vous retrouvez donc sur Facebook, sur Twitter, sur Google et sur plein d'autres plateformes, vous pouvez tout savoir sur John, Paul, Ringo et George et encore plus les amis de ces gens-là et encore plus les animateurs qui font des émissions sur les Beatles comme votre serviteur, moi-même, ou alors Brooke Alpin par exemple qui fait son émission Come Together le dimanche et le samedi et le dimanche à Malibu, comme mon pote Michael Onorato qui fait son émission Beatles Tonight le lundi soir à côté de New York dans le New Jersey, comme également comment s'appelle-t-il déjà zut, Kyle, voilà Kyle qui fait Beatles Mania One le mercredi après-midi du côté de Toronto. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a même d'ailleurs quelqu'un qui fait une émission au Japon et il y en a certainement partout ailleurs. Il y en a en langue espagnole, j'ai essayé d'écouter il n'y a pas longtemps. Je n'y comprends rien, c'est difficile. Mais par contre, il reste la musique des Beatles. Et si vous voulez tout savoir, rejoignez le Beatles Magazine. Voilà, je voulais vous le dire juste avant d'écouter les Beatles et aussi en profiter pour dire que vous êtes de vrais amis. Et dans ma vie, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir rencontrer, même si certains, je ne les connais pas encore réellement, et j'en profite pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un que j'ai rencontré à Paris. Une fois, il s'appelle Rook, il a, je ne sais pas quel âge aujourd'hui, mais bon anniversaire Rook. There are places I remember all my life, though some have changed. Coming up, Paul McCartney on R.I.G. Thank you. thought my mind alone, alone. Now let me lie with my love all the time. I am home, home, home, home. And we was loving, yes we was loving, and we was hard pressed to find a smile. Don't matter. j'étais tellement en train de chanter la chanson que j'avais oublié que ça allait se terminer. Essayez de chanter Smile Away, mais pas dans la version douce, que bam, bam, bedoun, mais quand il hurle, ça vous fait décrocher la gorge, mais c'est un sentiment absolument génial. J'adore cette chanson. Merci de l'avoir programmée, puisque c'est la dernière saga de la saison 2014-2015. Hein. On reprendra en septembre, pendant les deux mois juillet-août, on va faire autre chose, je vous invite à écouter. Et ce sera aux mêmes horaires, entre 20h et minuit, peut-être une heure, on verra ça dès la semaine prochaine. Ce ne sera plus les Beatles. On en reparlera sans doute entre les deux émissions. Mais parlez-en autour de vous. Essayons au mois de septembre d'être encore plus nombreux à écouter la saga des Fab Four. C'est vous qui l'avez demandé. C'est les Traveling Wildberries. J'en connais un qui va être très content, les autres aussi. End of the Line sur RIG. Tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays Purple Haze. Well, it's alright, even when push comes to shove. Glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. It don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's all right, you still got something to say. Well, it's all right, remember to live and live. Well, it's all right. C'est George Harrison qui rafle tout en 1970 avec cette chanson My Sweet Lord, méga hit. Et d'ailleurs, maintenant, en 2015, vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu connais un titre de George Harrison après la séparation avec les Beatles? La plupart du temps, on va vous dire My Sweet Lord et sans doute on vous dira aussi Got My Mind Set On You. Après, pour le reste, il va falloir chercher un petit peu plus, même s'il y a beaucoup d'autres titres excellents de George Harrison, mais ça va être plus dur. Pour Lennon, on va vous citer Imagine, on va vous citer Woman probablement, et le reste viendra aussi. Et pour McCartney, il y en a plein. Pour Ringo Starr, il y en a aussi, mais la plupart du temps, on vous dira, ah bon, il a chanté après la séparation? Bah oui, monsieur, dame, il a chanté. Et même, vous vous rendez compte qu'il a chanté et qu'il a bien chanté et qu'il a sa place parmi les stars, Ringo Starr. Voici justement en 1970, John Lennon qui dit « Les Beatles, c'est fini, le rêve est terminé. » Voici God sur RIG. God is a concept by which we measure pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yeah. Later.

Yes, you knew. Think about it. Woman is in the middle of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. Be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Of the World, John Lennon en 1972 sur

Eh oui, c'est lui, Paul McCartney, en 2007, sur l'album Memory Almost Full. Et je vous propose à la 17e chanson de vous faire la cover. La cover, c'était en 2002 pour le concert For George. Et c'est Eric Clapton qui a monté tout le spectacle avec l'aide des amis de George, bien évidemment. Et ce superbe titre, Beware of Darkness, sur RIG. Watch out now, take care, beware of falling swing. Dropping all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Beware of darkness. Watch out now, take care, beware the thoughts that linger. Winding up inside your head, the hopelessness around you. Soft shoe shuffling. Clapton et ses amis, en hommage à George, et je vous propose d'écouter George lui-même en 1976 avec cette chanson. Oui, This Song, c'est lui-même qui le dit. C'était un petit clin d'œil envers le procès qu'il a eu pour My Sweet Lord. Procès injuste, il n'a pas à copier. Non, pas vraiment. En tout cas, cette chanson, This Song, est superbe. Black or white, and as far as I know, don't it? la saga des Fab Four, c'est sur RIG. Saga, c'est vous qui l'avez créé durant la semaine, entre mercredi dernier et maintenant. Et c'est Julie, la belle Julie, qui avait demandé la chanson d'Yvonne. Et même, elle avait fait une précision, elle avait dit « J'aimerais bien entendre la version de Paul McCartney, la version de la démo de Paul McCartney et la version qu'en ont fait le groupe 10cc quelques 9 ans plus tard à peu près. » Et bien là, voici cette version sous le titre de « Yvonne's the One » sur RIG. « 107.7, la radio des Beatles. House of wax, poets spill out

de la période post-Beatles. Malheureusement, c'est pas lui qui l'a composé, mais quelle belle chanson, quelle belle cover il a faite de celle-ci, Baltimore Oriole. C'est sur l'album Somewhere in England qui date de 1981. Écoutez si vous ne connaissez pas. Et juste après, il y aura une chanson pour Lovely Rita. C'est elle qui l'a choisie. Without suspicion, without I've seen all day, and you can't take that away. No, you can't take that away. Now, all my life I wondered why it couldn't be this way. That was up until today. Yeah, it had to be this way. Above suspicion, without permission given to you. A warm thank you to you, lovely Rita, for this beautiful song, Loveliest Thing, Paul McCartney on RIG. Pas mal, hein, je fais des efforts en anglais. Mais voici toujours Paul McCartney sur RIG. I saw you sitting at the center of a circle. Everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting there. Saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. Saw you swaying there. I don't care what you wanna be. Secret conversation. You were crying, you were trying not to let them hear you. I heard you listening in. va essayer d'accélérer le tempo parce que plus que 12 minutes d'émission avant le passage à Eric pour son émission Johnny de A à Z. Et c'est la troisième fois en trois émissions qu'on écoute celle-là, mais je ne m'en lasse pas. Je vous remercie de l'avoir demandé, c'est pas moi qui l'ai programmée. Voici celle que j'aimerais entendre en concert avant qu'il soit trop tard. J'aimerais beaucoup que Paul nous fasse celle-ci, ça date de 79. So glad to see you here sur RIG. Montez le son. McCartney. Merci à vous. On devait finir cette émission avec un petit Ringo Starr. Vous l'attendiez. Rory and the Hurricanes sur RG. Merci de continuer à te faire plaisir comme ça et à nous faire plaisir à 75 ans, sortir un aussi bon album, achetez-le. L'album s'appelle Postcards from Paradise. Voilà, et je voulais vous laisser avec une petite surprise. Une surprise que m'a gentiment réservé Eric, qui m'a donné l'autorisation de la diffuser. C'est un cadeau, c'est une prise de risque, mais c'est plutôt très très sympa. C'est une prise de risque, tout à fait. Voici Eric et son groupe. À vous toutes et tous, et ça s'est très bien passé. On se reverra au mois de septembre. The Saga will return in September. Voilà, next saga in September. See you next time. Merci, je vous laisse en compagnie d'Eric et à très très bientôt. Salut. On se voit mercredi prochain pour saluer les bonsaïs.